Chapitre 11. En bateau. Quand je rentrais à l'auberge, le cœur gros, les yeux rouges, je trouvais sous la porte de la cour l'aubergiste qui me regarda longuement. J'allais passer pour rejoindre les chiens quand il m'arrêta. « Eh bien, me dit-il, et ton maître ?»« Il est condamné. » « À combien ?»« À 2 mois de prison. » »« Et à combien d'amende ?»« 100 francs. »« 2 mois, 100 francs ?» répéta-t-il à 3 ou 4 reprises. Je voulus continuer mon chemin. De nouveau, il m'arrêta. « Qu'est-ce que tu veux faire pendant ces 2 mois ?»« Je ne sais pas, monsieur. »« Ah, tu ne sais pas ? Tu as de l'argent pour vivre et pour nourrir tes bêtes, je pense. »« Non, monsieur. » Alors, tu comptes sur moi pour vous loger ? Oh non, monsieur, je ne compte sur personne. Rien n'était plus vrai, je ne comptais sur personne. Eh bien, mon garçon, continua l'aubergiste, tu as raison. Ton maître me doit déjà trop d'argent. Je ne peux pas te faire crédit pendant 2 mois sans savoir si au bout du compte je serai payé. Il faut t'en aller d'ici. M'en aller ? Mais où voulez-vous que j'aille, monsieur ? Ça, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas ton père. Je ne suis pas non plus ton maître. Pourquoi veux-tu que je te garde ? Je restai un moment abasourdi. Que dire ? Cet homme avait raison. Pourquoi m'aurait-il gardé chez lui ? Je ne lui étais rien qu'un embarras et une charge. Allons, mon garçon, prends tes chiens et ton singe, et puis file. Tu me laisseras bien entendu le sac de ton maître. Quand il sortira de prison, il viendra le chercher. Et alors nous réglerons notre compte. » Ce mot me suggéra une idée, et je crus avoir trouvé le moyen de rester dans cette auberge. « Puisque vous êtes certain de faire régler votre compte à ce moment, gardez-moi jusque-là, et vous ajouterez ma dépense à celle de mon maître. »« Vraiment, mon garçon ? Ton maître pourra bien me payer quelques journées, mais 2 mois, c'est une autre affaire. »« Je mangerai aussi peu que vous voudrez. »« Et t'es bête ?» Non, vois-tu, il faut t'en aller. Tu trouveras bien à travailler et à gagner ta vie dans les villages. Mais monsieur, voulez-vous que mon maître me trouve en sortant de prison ? C'est ici qu'il viendra me chercher. Tu n'auras qu'à revenir ce jour-là. D'ici là, va faire une promenade de 2 mois dans les environs, dans les villes d'eau, à Bagnères, à Cauterets, à Luz. Il y a de l'argent à gagner. Et si mon maître m'écrit ? Je te garderai sa lettre. Mais si je ne lui réponds pas... Ah, tu m'ennuies à la fin. Je t'ai dit de t'en aller. Il faut sortir d'ici et plus vite que ça. Je te donne 5 minutes pour partir. Si je te retrouve quand je vais revenir dans la cour, tu auras affaire à moi. Je sentis bien que toute insistance était inutile. Comme le disait l'aubergiste, il fallait sortir d'ici. J'entrai à l'écurie et après avoir détaché les chiens et joli cœur, après avoir bouclé mon sac... et passé sur mon épaule la bretelle de ma harpe, je sortis de l'auberge. L'aubergiste était sur sa porte pour me surveiller. « S'il vient une lettre, me cria-t-il, je te la conserverai. » J'avais hâte de sortir de la ville, car mes chiens n'étaient pas muselés. Que répondre si je rencontrais un agent de police ? Que je n'avais pas d'argent pour leur acheter des muselières ? C'était la vérité, car tout compte fait, je n'avais que 11 sous dans ma poche, et ce n'était pas suffisant pour une pareille acquisition. Ne m'arrêterait-il pas à mon tour ? Mon maître en prison, et moi aussi, que deviendraient les chiens et joli cœur ? J'étais devenu directeur de troupe, chef de famille, moi l'enfant sans famille, et je sentais ma responsabilité. Tout en marchant rapidement, les chiens levaient la tête vers moi, et me regardaient d'un air qui n'avait pas besoin de paroles pour être compris. Ils avaient faim. Joli cœur que je portais juché sur mon sac me tirait de temps en temps l'oreille pour m'obliger à tourner la tête vers lui. Alors il se brossait le ventre par un geste qui n'était pas moins expressif que le regard des chiens. Moi aussi j'aurais bien, comme eux, parlé de ma faim, car je n'avais pas déjeuné plus qu'eux tous. Mais à quoi bon ? Mes 11 sous ne pouvaient pas nous donner à déjeuner et à dîner. Nous devions tous nous contenter d'un seul repas, qui, fait au milieu de la journée, nous tiendrait lieu des deux. L'auberge où nous avions logé et d'où nous venions d'être chassés, se trouvant dans le faubourg Saint-Michel sur la route de Montpellier, c'était naturellement cette route que j'avais suivie. Dans ma hâte de fuir une ville où je pouvais rencontrer des agents de police, je n'avais pas le temps de me demander où les routes conduisaient. Ce que je désirais, c'était qu'elles m'éloignassent de Toulouse. Le reste m'importait peu. Je n'avais pas intérêt à aller dans un pays plutôt que dans un autre. Partout, on me demanderait de l'argent pour manger et pour nous loger. Encore, la question du logement était-elle de beaucoup la moins importante. Nous étions dans la saison chaude et nous pouvions coucher à la belle étoile à l'abri d'un buisson ou d'un mur. Mais manger. Je crois bien que nous marchâmes près de 2 heures sans que j'osasse m'arrêter. Et cependant, les chiens me faisaient des yeux de plus en plus suppliants, tandis que Jolicoeur me tirait l'oreille et se brossait le ventre de plus en plus fort. Enfin, je me crus assez loin de Toulouse pour n'avoir rien à craindre, ou tout au moins pour dire que je musellerais mes chiens le lendemain si on me demandait de le faire, et j'entrai dans la première boutique de boulanger que je trouvai. Je demandai qu'on me servît 1,5 livres de pain. « Vous prendrez bien un pain de 2 livres ?» me dit la boulangère. « Avec votre ménagerie, ce n'est pas trop. Il faut bien les nourrir, ces pauvres bêtes. » Sans doute, ce n'était pas trop pour ma ménagerie qu'un pain de 2 livres, car sans compter Jolicoeur, qui ne mangeait pas de gros morceaux, cela ne nous donnait 1,5 livre pour chacun de nous, mais c'était trop pour ma bourse. Le pain était alors à 5 sous la livre, et si j'en prenais 2 livres, elle me coûterait 10 sous, de sorte que sur mes 11 sous, il ne m'en resterait qu'un seul. Or, je ne trouvais pas prudent de me laisser entraîner à une aussi grande prodigalité avant d'avoir mon lendemain assuré. En n'achetant 1,5 livre de pain, qui me coûtait 7 sous et 3 centimes, il me restait pour le lendemain 3 sous et 2 centimes, c'est-à-dire assez pour ne pas mourir de faim et attendre une occasion de gagner quelque argent. J'ai vite fait ce calcul, et je dis à la boulangère, d'un air que je tâchais de rendre assuré, que j'avais bien assez 1,5 livre de pain et que je la priais de ne pas m'en couper davantage. « c'est bon, » répondit-elle. Et autour d'un beau pain de 6 livres, que nous aurions bien certainement mangé tout entier, elle me coupa la quantité que je demandais et la mit dans la balance, à laquelle elle donna un petit coup. « C'est un peu fort, » dit-elle, « cela sera pour les 2 centimes. » Elle fit tomber mes 8 sous dans son tiroir. J'ai vu des gens repousser les centimes qu'on leur rendait, disant qu'ils n'en sauraient que faire. Moi, je n'aurais pas repoussé ce qui m'était dû. Cependant, je n'osais pas les réclamer et sortis sans rien dire, avec mon pain étroitement serré sous mon bras. Les chiens, joyeux, sautaient autour de moi et Jolicoeur me tirait les cheveux en poussant des petits cris. Nous n'allâmes pas bien loin. Au premier arbre qui se trouva sur la route, je posai ma harpe contre son tronc et m'allongeai sur l'herbe. Les chiens s'assirent en face de moi, Capi au milieu, Dolce d'un côté, Zerbino de l'autre. Quant à Jolicoeur, qui n'était pas fatigué, il resta debout pour être tout prêt à voler les morceaux qui lui conviendraient. C'était une affaire délicate que le découpage de ma miche. J'en fis 5 parts aussi égales que possible, et pour qu'il n'y eût pas de pain gaspillé, je les distribuai en petites tranches. Chacun avait son morceau à son tour, comme si nous avions mangé à la gamelle. Jolicoeur, qui avait besoin de moins de nourriture que nous, se trouva le mieux partagé, et il n'eut plus faim alors que nous étions encore affamés. Sur sa part, je pris 3 morceaux que je serrai dans mon sac pour les donner aux chiens plus tard. Puis, comme il en restait encore 4, nous en eûmes chacun un. Ce fut à la fois notre plat de supplément et notre dessert. Bien que ce festin n'eût rien de ceux qui provoquent au discours, le moment me parut venu d'adresser quelques paroles à mes camarades. Je me considérais naturellement comme leur chef, mais je ne me croyais pas assez au-dessus d'eux pour être dispensé de leur faire part des circonstances graves dans lesquelles nous nous trouvions. Capi avait sans doute deviné mon intention, car il tenait collé sur les miens ses grands yeux intelligents et affectueux. « Oui, mon ami Capi, » dis-je, « oui, mes amis Dolce, Zerbino et Jolicoeur, oui, mes chers camarades, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Notre maître s'est éloigné de nous pour 2 mois. « Moi ?» cria Capi. « Cela est bien triste, pour lui d'abord et aussi pour nous. C'était lui qui nous faisait vivre, et en son absence, nous allons nous trouver dans une terrible situation. Nous n'avons pas d'argent. » Sur ce mot qu'il connaissait parfaitement, Capi se dressa sur ses pattes de derrière et se mit à marcher en rond comme s'il faisait la quête dans les rangs de l'honorable société. « Tu veux que nous donnions des représentations ? » continuai-je. « C'est assurément un beau conseil, mais ferons-nous recette ? Tout est là. Si nous ne réussissons pas, je vous préviens que nous n'avons que 3 sous pour toute fortune. Il faudra donc se serrer le ventre. Les choses étant ainsi, j'ose espérer que vous comprendrez la gravité des circonstances et qu'au lieu de me jouer de mauvais tours, vous mettrez votre intelligence au service de la société. Je vous demande de l'obéissance, de la sobriété et du courage. Serrons nos rangs et comptez sur moi comme je compte sur vous-même. » Je n'ose pas affirmer que mes camarades comprirent toutes les beautés de mon discours improvisé, mais certainement ils en sentirent les idées générales. Ils savaient par l'absence de notre maître qu'il se passait quelque chose de grave, et ils attendaient de moi une explication. S'ils ne comprirent pas tout ce que je leur dis, ils furent au moins satisfaits de mon procédé à leur égard, et ils me prouvaient leur contentement par leur attention. Quand je dis leur attention, je parle des chiens seulement, car pour Joli Cœur, il lui était impossible de tenir son esprit longtemps fixé sur un même sujet. Pendant la première partie de mon discours, il m'avait écouté avec les marques du plus vif intérêt. Mais au bout d'une 20aine de mots, il s'était élancé sur l'arbre qui nous couvrait de son feuillage, et il s'amusait maintenant à se balancer en sautant de branche en branche. Si Capi m'avait fait une pareille injure, j'en aurais certes été blessé, mais de Joli Cœur, rien ne m'étonnait. Ce n'était qu'un étourdi, une cervelle creuse. Et puis, après tout, il était bien naturel qu'il eût envie de s'amuser un peu. J'avoue que j'en aurais fait volontiers autant et que, comme lui, je me serais balancé avec plaisir. Mais l'importance et la dignité de mes fonctions ne me permettaient plus de semblables distractions. Après quelques instants de repos, je donnai le signal du départ. Il nous fallait gagner notre coucher, en tout cas notre déjeuner du lendemain, si comme cela était probable, nous faisions l'économie de coucher en plein air. Au bout d'une heure de marche à peu près, nous arrivâmes en vue d'un village qui me parut propre à la réalisation de mon dessein. De loin, il s'annonçait comme assez misérable, et la recette ne pouvait être par conséquent que bien chétive. Mais il n'y avait pas là de quoi me décourager. Je n'étais pas exigeant sur le chiffre de la recette, et je me disais que plus le village était petit, moins nous avions de chances de rencontrer des agents de police. Je fis donc la toilette de mes comédiens, et en aussi bel ordre que possible, nous entrâmes dans ce village. Malheureusement, le fifre de Vitalis nous manquait, et aussi sa prestance, qui, comme celle d'un tambour-major, attirait toujours les regards. Je n'avais pas, comme lui, l'avantage d'une grande taille et d'une tête expressive. Bien petite, au contraire, était ma taille, bien mince, et sur mon visage devait se montrer plus d'inquiétude que d'assurance. Tout en marchant, je regardais à droite et à gauche pour voir l'effet que nous produisions. Il était médiocre. On levait la tête, puis on la rabaissait. Personne ne nous suivait. Arrivé sur une petite place au milieu de laquelle se trouvait une fontaine ombragée par des platanes, je pris ma harpe et commençai à jouer une valse. La musique était gaie, mes doigts étaient légers. Mais mon cœur était chagrin et il me semblait que je portais sur mes épaules un poids bien lourd. Je dis à Zerbino et à Dolce de valser. Ils m'obéirent aussitôt et se mirent à tourner en mesure. Mais personne ne se dérangea pour venir nous regarder. Et cependant, sur le seuil des portes, je voyais des femmes qui tricotaient ou qui causaient. Je continuai de jouer. Zerbino et Dolce continuèrent de valser. Peut-être quelqu'un se déciderait-il à s'approcher de nous. S'il venait une personne, il en viendrait une seconde, puis 10, puis 20 autres. Mais j'avais beau jouer, Zerbino et Dolce avaient beau tourner, les gens restaient chez eux. Ils ne regardaient même plus de notre côté. C'était à désespérer. Cependant, je ne désespérais pas et jouais avec plus de force, faisant sonner les cordes de harpe à les casser. Tout à coup, un petit enfant, si petit qu'il s'essayait, je crois bien, à ses premiers pas, quitta le seuil de sa maison et se dirigea vers nous. Sa mère allait le suivre, sans doute, et puis après la mère, arriverait une amie, nous aurions notre public, et nous aurions ensuite une recette. Je jouais moins fort pour ne pas effrayer l'enfant, et pour l'attirer, plutôt. Les mains dressées, se balançant sur ses hanches, il s'avança doucement. Il venait, il arrivait. Encore quelques pas, et il était près de nous. La mère leva la tête, surprise sans doute et inquiète de ne pas le sentir près d'elle. Elle l'aperçut aussitôt. Mais alors, au lieu de courir après lui comme je l'avais espéré, elle se contenta de l'appeler. Et l'enfant, docile, retourna près d'elle. Peut-être ces gens n'aimaient-ils pas la danse? Après tout, c'était possible. Je commandai à Zerbino et à Dolce de se coucher et me mis à chanter ma canzonetta. Et jamais, bien certainement, je ne m'y appliquai avec plus de zèle. J'entamai la deuxième strophe quand je vis un homme vêtu d'une veste et coiffé d'un feutre se diriger vers nous. Enfin, je chantai avec plus d'entraînement. « Hola ! » cria-t-il. « Que fais-tu ici, mauvais garnement ?» Je m'interrompis, stupéfié par cette interpellation, et je restai à le regarder venir vers moi, bouche ouverte. « Eh bien, répondras-tu » dit-il. « Vous voyez, monsieur, je chante. As-tu une permission pour chanter sur la place de notre commune ?»« Non, monsieur. Alors va-t'en, si tu ne veux pas que je te fasse un procès. »« Mais, monsieur... » « Appelle-moi monsieur le garde-champêtre et tourne les talons, mauvais mendiant. » Un garde-champêtre? Je savais par l'exemple de mon maître ce qu'il en coûtait de vouloir se révolter contre les sergents de ville et les gardes-champêtres. Je ne me fis pas répéter cet ordre deux fois. Je tournai sur mes talons comme il m'avait été ordonné et rapidement je repris le chemin par lequel j'étais venu. Mendiant, cela n'était pas juste cependant. Je n'avais pas mendié. J'avais chanté, j'avais dansé, ce qui était ma manière de travailler. Quel mal avais-je fait? En 5 minutes, je sortis de cette commune peu hospitalière, mais bien gardée. Mes chiens me suivaient, la tête basse et la mine attristée, comprenant assurément qu'il venait de nous arriver une mauvaise aventure. Capi, de temps en temps, me dépassait et se tournant vers moi, il me regardait curieusement avec ses yeux intelligents. Tout autre à sa place m'eût interrogé, mais Capi était un chien trop bien élevé, trop bien discipliné pour se permettre une question indiscrète. Il se contentait seulement de manifester sa curiosité, et je voyais ses mâchoires trembler, agitées par l'effort qu'il faisait pour retenir ses aboiements. Lorsque nous fûmes assez éloignés pour n'avoir plus à craindre la brutale arrivée du garde-champêtre, je fis un signe de la main, et immédiatement, les trois chiens formaient le cercle autour de moi, Capi au milieu, immobile, les yeux sur les miens. Le moment était venu de leur donner l'explication qu'ils attendaient. « Comme nous n'avons pas de permission pour jouer, dis-je, on nous renvoie. »« Et alors ? » demanda Capi d'un coup de tête. « Alors nous allons coucher à la Belle Étoile, n'importe où, sans souper. » Au mot « souper », il y eut un grognement général. Je montrai mes 3 sous. Vous savez que c'est tout ce qui nous reste. Si nous dépensons nos 3 sous ce soir, nous n'aurons rien pour déjeuner demain. Or, comme nous avons mangé aujourd'hui, je trouve qu'il est sage de penser au lendemain. Et je remis mes 3 sous dans ma poche. Capi et Dolce baissèrent la tête avec résignation. Mais Zerbino, qui n'avait pas toujours bon caractère et qui de plus était gourmand, continua de gronder. Après l'avoir regardé sévèrement, sans pouvoir le faire taire, je me tournai vers Capi. « Explique à Zerbino, lui dis-je, ce qu'il paraît ne pas vouloir comprendre. Il faut nous priver d'un second repas aujourd'hui, si nous voulons en faire un seul demain. » Aussitôt Capi donna un coup de patte à son camarade, et une discussion parut s'engager entre eux. Qu'on ne trouve pas le mot « discussion » impropre parce qu'il est appliqué à deux bêtes. Il est bien certain, en effet, que les bêtes ont un langage particulier à chaque espèce. Si vous avez habité une maison aux corniches

Dolce imiterait son compagnon et Capi lui-même finirait par succomber à la tentation. Je devais donc administrer une correction publique à Zerbino. Mais pour cela, il fallait qu'il voulût bien comparaître devant moi, et ce n'était pas chose facile que de le décider. J'eus recours à Capi. « Va me chercher Zerbino. » Et il partit aussitôt pour accomplir la mission que je lui confiais. Cependant, il me sembla qu'il acceptait ce rôle avec moins de zèle que de coutume, et dans le regard qu'il me jeta avant de partir, je crus voir qu'il se ferait plus volontiers l'avocat de Zerbino que mon gendarme. Je n'avais plus qu'à attendre le retour de Capi et de son prisonnier, ce qui pouvait être assez long, car Zerbino, très probablement, ne se laisserait pas ramener tout de suite. Mais il n'y avait rien de bien désagréable pour moi dans cette attente. J'étais assez loin du village pour n'avoir guère à craindre qu'on me poursuivît. Et d'un autre côté, j'étais assez fatigué de ma course pour désirer me reposer un moment. D'ailleurs, à quoi bon me presser, puisque je ne savais pas où aller et que je n'avais rien à faire. Justement, l'endroit où je m'étais arrêté était fait à souhait pour l'attente et le repos. Sans savoir où j'allais dans ma course folle, j'étais arrivé sur les bords du canal du Midi. Et après avoir traversé des campagnes poussiéreuses depuis mon départ de Toulouse, je me trouvais dans un pays vert et frais. Des eaux, des arbres, de l'herbe, une petite source coulant à travers les fentes d'un rocher tapissé de plantes qui tombait en cascade fleurie suivant le cours de l'eau. C'était charmant, et j'étais là à merveille pour attendre le retour des chiens. Une heure s'écoula sans que je les visse revenir ni l'un ni l'autre, et je commençais à m'inquiéter quand Capi reparut seul, la tête basse. « Où est Zerbino ?» Capi se coucha dans une attitude craintive. Alors en le regardant, je m'aperçus qu'une de ses oreilles était ensanglantée. Je n'eus pas besoin d'explication pour comprendre ce qui s'était passé. Zerbino s'était révolté contre la gendarmerie. Il avait fait résistance, et Capi, qui peut-être n'obéissait qu'à regret à un ordre qu'il considérait comme bien sévère, s'était laissé battre. Fallait-il le gronder et le corriger aussi? Je n'en eus pas le courage. Je n'étais pas en disposition de peiner les autres, étant déjà bien assez affligé de mon propre chagrin. L'expédition de Capi n'ayant pas réussi, il ne me restait qu'une ressource qui était d'attendre que Zerbino voulût bien revenir. Je le connaissais. Après un premier mouvement de révolte, il se résignerait à subir sa punition, et je le verrais apparaître repentant. Je m'étendis sous un arbre, tenant Jolicoeur attaché, de peur qu'il ne lui prît fantaisie de rejoindre Zerbino, et ayant couchés à mes pieds Capi et Dolce. Le temps s'écoula, Zerbino ne parut pas. Insensiblement, le sommeil me prit, et je m'endormis. Quand je m'éveillai, le soleil était au-dessus de ma tête, et les heures avaient marché. Mais je n'avais plus besoin du soleil pour me dire qu'il était tard. Mon estomac me criait qu'il y avait longtemps que j'avais mangé mon morceau de pain. De leur côté, les deux chiens et Jolicoeur me montraient aussi qu'ils avaient faim. Capi et Dolce avec des mines piteuses, Jolicoeur avec des grimaces. Et Zerbino n'apparaissait toujours pas. Je l'appelai, je le sifflai, mais tout fut inutile. Il ne parut pas. Ayant bien déjeuné, il digérait tranquillement, blotti sous un buisson. Ma situation devenait critique. Si je m'en allais, il pouvait très bien se perdre et ne pas nous rejoindre. Si je restais, je ne trouvais pas l'occasion de gagner quelques sous et de manger. Et précisément, le besoin de manger devenait de plus en plus impérieux. Les yeux des chiens s'attachaient sur les miens désespérément, et Jolicoeur se brossait le ventre en poussant des petits cris de colère. Le temps s'écoulant, et Zerbino ne venant pas, j'envoyai une fois encore Capi à la recherche de son camarade. Mais au bout d'une demi-heure, il revint seul et me fit comprendre qu'il ne l'avait pas trouvé. Que faire? Bien que Zerbino fût coupable et nous eût mis tous par sa faute encore dans une terrible situation, je ne pouvais pas avoir l'idée de l'abandonner. Que dirait mon maître si je ne lui ramenais pas ses trois chiens? Et puis malgré tout, je l'aimais, ce coquin de Zerbino. Je résolus donc d'attendre jusqu'au soir, mais il était impossible de rester ainsi dans l'inaction à écouter notre estomac crier la faim, car ces cris étaient d'autant plus douloureux qu'ils étaient seuls à se faire entendre,